Nick Hall. Nick Bad. Le barrage hydraulique. M'a pris une étrange. Contenir. Pris une étrange. Force du flot. hermétique.

doivent tout lisser. Sister, I want you. Demain, l'aéroport, juste avant d'embarquer, monter sur la passerelle et enfin quitter. Elle s'en va, elle s'en va.